Je pense encore à nos souvenirs. Rappelle-toi du premier jour, on s'était enlacé sur la plage de la pointe Vénus, sous un cocotier. Le gars me plaît, I like you. I would like to stop the time. To love it forever. Tell you every day that I love you on pen my own. Et mon moi avant où y'a oué. A où va y n'est-il. Et faro au my oué. Et te y mené. Tout à où y que notre histoire s'est terminée. Et tu resteras ma seule amour. Tu resteras ma seule amour. Notre jeunesse, tu en as décidé autrement. Tu me privas de ta tendresse. Rien n'était plus comme avant. Je t'ai promis d'être différent. Plein d'ambition à l'horizon. Pour le jamais que ça cesse. En peu de temps, je t'ai aimé avec passion. Et mon mot est à vous, il y a oué. T'as où va y n'est-il. Et faro, oh my oué. My seul amour.